De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est votre rendez-vous hebdomadaire présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Noémie qui est facilitatrice relationnelle. On te retrouve notamment sur ton site internet qui est tout beau, tout neuf. Oui, lesoutilsdenoémie.fr. Et tu nous aides chaque semaine à mieux comprendre comment on communique, alors que ce soit dans la famille, au boulot, partout, tout le temps. Oui. Et puis pour bien communiquer, ben c'est important aussi de bien se connaître soi. Effectivement, on va parler de l'estime de soi. En deux parties, hein, c'est ça. Deux chroniques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Dis-nous tout. Alors, l'estime de soi, c'est la conscience de la valeur que l'on se reconnaît. C'est-à-dire la connaissance et l'acceptation de qui on est, c'est-à-dire ses points forts et ses points faibles. Parce que la confiance en soi, c'est plutôt oser faire quelque chose. Je peux très bien me connaître, mais pas oser passer à l'action. Je sais que je cuisine très bien, mais j'ai quelque chose qui me bloque pour faire la cuisine pour les amis qui viennent à la maison, par exemple, où je me mets trop de pression, quelque chose comme ça. Nourrir l'estime de soi, ça permet de s'affirmer, mais sans écraser les autres. Quelqu'un qui manque d'estime de soi, en général, c'est plutôt quelqu'un qui peut avoir tendance à écraser les autres. Assumer ses responsabilités et apprendre de ses erreurs. Si j'ai une bonne estime de moi, l'erreur, c'est pas grave. Et la notion d'échec, ça existe presque pas. Ok, j'ai qu'à fouiller, ben je vais en apprendre quelque chose. Je dédramatise mon rapport à l'échec et j'arrive à rebondir quand j'ai une bonne estime de moi. Et puis du coup, je prends soin de moi et donc j'arrive à répondre à mes besoins. C'est ok pour moi, c'est pas un acte égoïste, c'est tout à fait sain. Quand j'ai une bonne estime de moi, j'ai des buts et je sais trouver les moyens pour les atteindre. J'ose avoir des buts et j'ose mettre en place les choses aussi. Quand j'ai une bonne estime de moi, j'ai beaucoup moins de risques d'avoir des difficultés d'apprentissage, de dépression, de délinquance, de violence en général. Un comportement agressif, c'est souvent signe de quelqu'un qui a une faible estime de soi. Et je voulais aussi préciser que l'estime de soi, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, des moments de vie, selon les épreuves qu'on traverse, selon comment on est entouré des amis et de la famille, bah ça varie. C'est un processus dynamique, l'estime de soi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça s'apprend. Tout à fait, ça s'apprend. Et donc, quand on est un enfant qui naît, eh ben, on va grandir et on va pouvoir donner les moyens à l'enfant de nourrir son estime de lui-même. Et donc, comment on va faire pour aider l'enfant ? Comment on fait, Noémie ? Eh bien, on va l'aider à bien se connaître. On va nommer et identifier qui il est. Qu'est-ce qu'il a d'unique dans plusieurs champs ? Ça peut être le côté physique, ça peut être le côté psychologique. Ben, tiens, toi, t'as vu, t'es blond. Ou alors, tiens, toi, t'as des yeux de couleurs différentes. Sur le plan psychologique, ben là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Sur son histoire, ben, notre famille, avant, elle habitait dans un autre pays. Tu vois, papy, mamie sont arrivés en France il y a 50 ans. Et quels sont ses goûts ? Ah, ben, j'ai remarqué que toi, t'aimes beaucoup manger des fraises ou que t'aimes beaucoup écouter telle musique. Les nommer, ça permet à l'enfant d'identifier qui il est. Donc, bien se connaître, c'est une partie importante de l'estime de soi. Et aussi, ce qui est important pour nourrir l'estime de soi chez un enfant ou même un adulte, c'est de lui donner confiance et un sentiment de sécurité. En lui donnant des attentes réalistes, attachées en lien avec son âge et ses capacités. C'est-à-dire, si j'ai un enfant de 3 ans et que je lui demande de savoir écrire, c'est complètement décalé. Donc, c'est réussir à savoir demander à un enfant de faire quelque chose qui est adapté pour qu'il se sente en réussite. C'est-à-dire, c'est OK qu'il ne sache pas marcher à tel âge, etc. Et on attend de lui que d'abord, il soit en interaction, que d'abord, il marche à 4 pattes, etc. Aussi, si on lui donne de l'écoute, si on montre qu'on a de l'intérêt pour lui, qu'on le respecte, qu'il se sent autorisé à s'exprimer, à exprimer ses aspects originaux, du style un ado qui a des goûts pas les mêmes que ses parents, en musique, en vêtements, etc. Le laisser s'exprimer en lui disant qu'il est libre d'être dans sa différence, ça va beaucoup le sécuriser. L'estime de soi, ça passe aussi par appartenir peut-être à un groupe ? Oui, l'estime de soi, c'est pas possible de la développer tout seul sur son île en fait. Mmh. C'est les retours, les feedbacks qu'on reçoit de sa famille, de ses amis, dans la classe, par les profs, par les autres élèves de la classe ou dans les loisirs, dans mon équipe de foot, là où je fais de la danse ou des choses comme ça. Eh bien, si je me sens accueillie, si on m'aide à prendre ma place dans ce groupe, si on me donne des responsabilités qui vont me permettre de me valoriser et si j'ose faire des choses avec les autres, à plusieurs pour un projet, ça aussi, ça va nourrir mon estime de moi. Et ça va développer des compétences aussi. Oui, et du coup, ces compétences, eh bien, c'est bien de les noter, de les dire, de les verbaliser. On laisse l'enfant se fixer des objectifs et on le laisse essayer et on le laisse rater, réajuster et on lui dit « Ah bah t'as vu, il y a un mois, tu savais pas faire ça et maintenant tu sais le faire ». Et en fait, en lui faisant remarquer ça, on va nourrir cette estime de soi. Donc, on l'aide à vivre des réussites, on les nomme, on les apprécie et même on les fête. Parce que si par exemple pour un enfant c'est beaucoup plus dur qu'un autre de ranger sa chambre, le jour où il a réussi à ranger sa chambre tout seul de sa propre initiative, eh ben ouais, c'est important de faire fonctionner le circuit de la récompense et de lui dire bravo. Et c'est valable pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et oui, là, j'ai beaucoup parlé des enfants parce que c'est comment ça se construit dès qu'on est petit. Mais oui. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi en tant qu'adulte. Si on a une mauvaise estime de soi, on peut aussi trouver des ressources dans un groupe, dans ses loisirs, ou des choses comme ça. Noémie, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de l'estime de soi. Oui, en quoi la CNV peut vous aider à nourrir l'estime de soi. La communication non violente peut être un super outil là-dessus. Et bien, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.